La notion d'impressionnisme, si tant est qu'elle demeure indéterminée du point de vue théorique et que sa dénomination soit issue accidentellement de l'histoire du goût, a-t-elle son sens en matière de poésie dans cette seconde moitié du XIXe siècle ? Cette notion permet de comprendre, par une série de caractéristiques communes, le lien indissoluble des poétiques de la seconde moitié du XIXe siècle aux arts picturales et musicales. Il n'y a pas de théorie impressionniste, et les arts invoquent des signes propres à chacun et irréductibles. Et pourtant, ce terme évoque directement la problématique fondamentale de la perception de l'œuvre d'art qui nourrit les esprits créatifs du temps. Alors, le terme impressionnisme a mauvaise presse. Il s'est appliqué à l'ensemble des arts, semblant se détacher d'une manière ou d'une autre d'une certaine tradition attachée au principe d'une rhétorique classique répondant à un idéal de clarté. L'impressionnisme renvoie évidemment au sens de la vue, mais plus que cela, à la sensibilité. De là à la musique, il n'y a qu'un pas puisque la musique se caractérise par un rapport subjectif contingent à la nature. Si la montée en force de l'ut musica poesis de la seconde moitié du XIXe siècle apparaît comme une évolution entre positivisme et industrialisation flamboyante, donc et contre également un système de pensée ancien, la rhétorique qui disparaît de l'enseignement secondaire dès les années 1880 en France, c'est que le modèle de l'ut pictora poesis est problématisé, donc système horacien, sans être mis à mal, sans être annulé. C'est qu'il devait peut-être alors être repensé. Penser de l'intérieur, consacrer l'art de la suggestion et cultiver la sensation, telles apparaissent les nouvelles missions du poète moderne. Le culte de l'image, dont la métaphore, notamment, renvoie à cette revendication d'une hyper-subjectivité liée par essence au pictural. C'est cette même expression que l'on retrouve sous la plume de Baudelaire dans son journal intime, glorifier le culte des images, ma grande, mon unique, ma primitive passion. D'un côté, une philosophie sensualiste, où la musique réussit son coup d'état en renversant la poésie dans la hiérarchie des arts, sous l'égide d'un Schopenhauer que l'on connaît encore très peu malgré tout avant la fin des années 1880 en France. De l'autre, une rénovation du système des beaux-arts, en s'émancipant de l'épithète classique, c'est-à-dire du beau, relevant de la morale. Les arts sont appelés à fonder leur propre système, leur propre légitimité. La poésie est prise entre une esthétique du tableau à réformer et à la volonté de se légitimer au regard des pouvoirs de la musique, l'art le plus indépendant et le plus pur qui soit. L'idée d'un syncrétisme artistique est juste en ce qui y est sous-tendue celle d'une philosophie de l'art, d'une assomption de l'esthétique, où l'œuvre d'art, pour le rappeler, est appelée à n'exister que par elle-même. En ce sens, on peut s'interroger à juste titre sur l'absence d'un terme convoquant l'ensemble des arts menés sur ce chemin, poésie, peinture et musique particulièrement. Par grands ensembles, on oppose traditionnellement des genres, des arts, des esthétiques nationales. En peinture, l'impressionnisme de Monet, de Pissarro ou de Sisley s'inscrit en retrait d'un réalisme de Courbet ou de Millet, qui s'étaient eux-mêmes écartés d'une esthétique picturale classique, les scènes historiques, et romantique, le pittoresque. En littérature, c'est le générique qui permet d'opposer le réalisme, le naturalisme du roman zolien, et les défenseurs de l'art pour l'art, c'est-à-dire, si l'on veut, les personnes qui s'intègrent à cette manne importante de poètes, se déclinant en autant de symbolistes, décadents, parnassiens. En musique, l'impressionnisme français, donc Debussy, se pense, surtout après la défaite de 1870, en art national, érigé contre Wagner, et le romantisme tardif germanique, Brahms, Bruckner, voire Mahler. La tentation classificatoire de la critique, comme de la création, établie comme une partition invisible entre chaque art, à la faveur de différents critères hétérogènes, alors que, indifféremment, le problème esthétique se posant en poésie, peinture et musique, paraît indissociablement lié au problème de la représentation au sein de cette palingénésie artistique. Autrement dit, c'est du côté de la réception de l'œuvre d'art que l'art prend son sens, pour dire la même toute-puissance de la perception sensible. C'est naturellement que Baudelaire se livre à ses expériences en critique d'art. Le critique, le spectateur, l'auditeur, donc, et le créateur se mêlent donc pour dire la même puissance de la réception. De même, Delacroix, l'un des précurseurs de l'impressionnisme, au même titre que Turner, estime que la composition d'un tableau est supérieure à la théorie du sujet pittoresque ou historique. C'est-à-dire que la transitivité de l'œuvre d'art passe par l'appréhension de celle-ci dans son entier, dans une théologie, un but, donc une théologie de l'effet, qui se rapproche des potentialités de l'art musical. On pourrait en contrepoint évoquer les paroles d'un Baudelaire qui, en jouant sur les correspondances et les analogies, relie l'art pictural de Delacroix aussi impropre par la musique, en une sorte de métadiscours, de discours critique, ou plutôt de mise en abîme de ses propres aspirations esthétiques. Baudelaire affirme le règne nouveau de l'impression. Il dit « On dirait que cette peinture, celle de Delacroix, comme les sorciers et les magnétiseurs, projette sa pensée à distance. Ce singulier phénomène tient à la puissance du coloriste, à l'accord parfait des tons et à l'harmonie préétablie dans le cerveau du peintre entre la couleur et le sujet. » Non seulement ce texte a ceci de précieux qui nous livre à un bout d'interprétation possible d'un des textes clés des Fleurs du Mal, que sont les phares, mais surtout, il fonde implicitement une poétique moderne où se dessinent très distinctement les relations entre poésie et peinture moderne orientées vers un mode de représentation. La musique semble y figurer comme force surplombante et syncrétique. Elle a directement partie liée à l'impression parce qu'elle allie au temporel, à ses conditions d'existence et l'expression directe de l'émotion esthétique. Cette émotion, et finalement, on la retrouve dans la seconde moitié du 19e siècle, elle est très proche de l'alchimie verbale rimbaldienne, quand bien même le poète des illuminations, inclassable comète, représente sans doute le seul cas où l'ut musica poesis, la poésie comme de la musique, n'apparaît pas comme fin problématique d'un art cherchant à se légitimer tel. C'est celle-là même dont parle, quelques décennies plus tard, Claude Debussy, le chant de l'école musicale impressionniste, et même s'il réfute lui-même cette idée d'école, il écrit, comme Monsieur Croche, « Qui connaîtra le secret de la composition musicale ? Le bruit de la mer, la courbe de l'horizon, le vent dans les feuilles, le cri d'un oiseau déposent en nous de multiples impressions. » C'est donc ici en des termes d'instantanéité sensorielle, d'expression pure de la sensation, c'est-à-dire de l'impression, que se mesurent les qualias de la musique. Il dit rien de plus juste, ni de plus sincère, c'est-à-dire que la musique forge l'idée d'une possible émotion poétique pure et directe, simplement transitive. Et on rejoint un petit peu ce qui a été dit notamment au sujet de la musique chez Proust. Elle permet d'envisager de même l'œuvre d'art comme un ensemble composé pour mettre en exergue son existence singulière et sa capacité à susciter seule une émotion particulière. Cette analogie entre la vie et l'ouïe s'illustre constamment chez Baudelaire, mais se décline déjà depuis des générations antérieures selon des modalités très proches, dans ce sens que le poète du Spleen de Paris fait allusion à Hoffmann et à toute la philosophie allemande qui précédait évidemment Baudelaire. Il écrit « On trouve dans la couleur l'harmonie, la mélodie et le contrepoint. J'ignore si quelque analogiste a établi solidement une gamme complète des couleurs et des sentiments, mais je me rappelle un passage de Hoffmann qui exprime parfaitement mon idée et qui plaira à tous ceux qui aiment sincèrement la nature. » Donc à la lumière de cette citation du Zerstreute Gedanken, c'est-à-dire les pensées les plus hautement détachées, donc tirées des Kreisleriana hoffmanniennes, il nous semble légitime d'imaginer pourquoi il n'a jamais été question d'impressionnisme poétique, alors même que les mots du poète, du peintre et du musicien se retrouvent pour célébrer le lien neuf et admis entre la vue, l'ouïe et la volonté de donner plein pouvoir à l'œuvre d'art comme objet pensant. Il y aurait donc une attitude de l'artiste qui défie la théorie pure, théorie formelle et sémiologique des arts, pour parler d'un art naissant qui va s'épanouir évidemment au XXe siècle, pour imprégner chacun des arts, une posture neuve sur laquelle il nous faut à présent revenir. Alors, répondant à une pensée cartésienne où le mot est la chose, égale la chose et réciproquement, et où l'homme, l'artiste, se pose dans un rapport stable et de connaissance vis-à-vis de son monde, la pensée anti-impressionniste est avant tout liée à une histoire de goût, à une arrière-garde, avant de répondre aux armes d'une doctrine de l'impression suggérée par ce suffixe « isme ». En effet, il y a d'une part en 1874 cette exposition organisée le 15 avril par Degas dans les anciens ateliers parisiens du photographe Félix Nadar. Contre le salon académique, cette réunion officieuse d'une trentaine d'artistes fit parler d'elle. Du scandale opposant l'arrière-garde à la jeune avant-garde naquit le succès d'un groupuscule d'artistes nommé par erreur « impressionniste ». Car c'est le critique conservateur Louis Leroy, établissant un compte-rendu de l'exposition, qui est apparemment à l'origine de la fortune de ce terme. Se demandant outrageusement quels pouvaient être ces gens qui se permettaient d'avoir des impressions, il invente, un dialogue imaginaire sur le ton de la diatribe voltairienne où Monet et son fameux Impression sur les Levants sont fustigés. Je cite « Que représente cette toile ? Voyez au livret. » Impression, soleil levant. Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Alors Monet rapporte quelques 20 années plus tard qu'il fallut donner un titre au tableau pour la réalisation du catalogue de cette expo. Il proposa celui d'impression. Édouard, le frère de Pierre-Auguste Renoir, rejeta celui de l'impression soleil levant. Ainsi naquit l'impressionnisme pictural, fortuitement. Un autre accident survint de la même manière pour l'impressionnisme poétique. On sait que Paul Valéry, un des émules de Mallarmé, rapporte un style anecdote, une rencontre entre le poète d'Hérodiade et celui des Contemplations, Victor Hugo. Stéphane Mallarmé nous contait quelquefois que, faisant un jour visite au grand homme, Hugo le prit par l'oreille et lui dit « Ah ah, voilà mon cher poète impressionniste ». La tonalité ironique est évidente, même si l'on peut sans mal imaginer un Hugo vieillissant et sacralisé plus joueur que vilipendeur. En musique, le terme fut d'abord utilisé pour décrire les œuvres de Claude Debussy, lesquelles cherchent à recréer les images, ambiances et sonorités fuyantes de la nature par une utilisation de la mélodie et de l'harmonie fondée sur la couleur plutôt que sur l'exposition, la structure préétablie comme la sonate ou le rondo. Dans la musique pour piano de Debussy, cette préoccupation se traduisit par de nouvelles applications du toucher et des techniques de la pédale. C'est justement dans les premières pièces de Debussy que l'on trouva de l'impressionnisme aux fortes teintes de médisance. On le voit dans Les Trois Arts, le terme d'impressionnisme était connoté négativement. C'est qu'il s'opposait tout bonnement à ce qui relevait du classicisme ou de l'académisme. Et l'on tentait ainsi d'opposer deux vertus respectives, l'obscur au clair, le brouillard au soleil. Le concept même d'impressionnisme est donc remis en cause chez les musicologues et tout autant semble-t-il en littérature. Citant la poésie de Verlaine, Michel Descodin rapporte combien l'impressionnisme a un sens chez celui-ci quand d'autres se sont heurtés à la théorisation de l'impressionnisme littéraire, car ceux-ci, dont les frères Goncourt, ont trouvé une solution facile dans un pittoresque de l'instantané, ou bien c'est qu'ils n'ont pu échapper aux lois du langage. L'apport verlainien se mesurerait ainsi en ces termes, c'est que Verlaine aurait esquivé dans son écriture poétique les apories auxquelles se sont heurtés les défenseurs d'un impressionnisme littéraire. On oublie que l'impressionnisme littéraire, si l'on veut évoquer un courant, une revendication des écrivains, est avant tout affilié au genre romanesque, et que ces lois du langage, ce pittoresque de l'instantané, monopolisent l'attention de nombre de symbolistes particulièrement. La musique permet de penser en creux ce problème relatif à la représentation. Mallarmé, surtout après sa découverte de Wagner dans les années 1880 au Concert Lamoureux, et grâce à la multiplication des sociétés de concert où il se rend, tente de réfléchir sur ce dernier et plénier culte humain qu'est la musique. Comprendre les vertus fédératrices, ou plutôt tenter une approche critique de cette religion musicale qui réunit les foules. Il écrit « La musique aujourd'hui influence tout travail, même peint, de l'impressionnisme à la fresque et le soulèvement de vie dans le grain de marbre. » Mallarmé évoque ici l'impressionnisme pictural. Le lien entre la musique, la peinture et la poésie se mesurerait à l'aune de ce soulèvement de vie qui fonde la métaphore musicale. Parler d'influence musicale, cela laisse penser que le système poétique de la logique de l'ut pictura poesis n'est pas fondamentalement changé. Peut-être en sont-ce les modalités qui changent, ou bien la sensibilité moderne impose-t-elle un remaniement des modes d'expression. On sait que cela ne concerne pas forcément la poétique mallarmienne, mais ainsi fonctionne la poésie symboliste, et notamment la poésie belge, symboliste de deuxième génération, que ce soit chez Maurice Maeterlinck, Albert Mockel ou encore Georges Rondebach. Rappelant le Verlaine des paysages belges, ces auteurs construisent une poétique, s'élaborant à partir d'un travail sur la conscience de soi face à l'étrangeté extérieure. En s'appuyant sur des éléments de la philosophie schopenhauerienne, plus ou moins bien compris d'ailleurs, et sur une esthétique sensualiste où prime la musique, la poésie des symbolistes belges recherche à faire coïncider l'existence du poème et le flux de conscience qui l'intègre. C'est vraiment là, semble-t-il, un symptôme de l'esprit belge, ainsi que le décrirait Charles Maurice, qui distingue cette poésie symboliste de l'esprit français afférent à la même école, puisqu'on parle plus largement d'une grande école symboliste française. La référence picturale y est explicitement exploitée pour permettre d'exprimer un symbolisme teinté de mysticisme. Rodin-Barr notamment. L'union de l'idéalisme et du réalisme, n'est-ce pas en définitive une bonne définition de l'impressionnisme ? C'est-à-dire d'un appui constant sur la perception, pour redonner avec le plus de réalité possible, de vérité aussi, la conscience au monde. Dans cette tension entre l'extérieur pictural et la description de l'intériorité, le temporel est au final plus important que le spatial, c'est-à-dire l'espace de la représentation du poème. Les titres de recueil, Les serres chaudes de Maeterlinck en 1889, Les vies encloses en 1896 de Rodin-Barr sont évocateurs. La poésie est l'espace où peut s'exprimer la conscience du poète, sur l'espace paginal. La représentativité du poème passe entièrement par l'interpénétration de ce qui relève de la nature objective, d'écrire une scène, et du prisme subjectif et nécessaire de la conscience poétique qu'il aperçoit. L'équation cartésienne « mot est égal chose » est ainsi évitée pour faire du poème l'espace subjectif d'une réalité de la conscience. La musique fournit non le modèle absolu de la poésie, elle en figure les manques, notamment eu égard à cette notion de temps. L'impression dans un processus d'enchaînement de segments temporels fugaces se guiderait au gré de l'inspiration poétique. Cette image de la fermentation pourrait constituer par excellence ce rapport au temps et au sens double de la création et de la réception. L'impressionnisme poétique se penserait donc dans cet espace-temps où se confronte à la fois l'image picturale, on décrit, et le temps musical, poétique, à la fois dans sa simultanéité et sa successivité. Et encore là, avec les analyses proustiennes qui ont été faites, je vois un certain nombre de relations évidentes. Pourquoi donc n'y a-t-il pas eu d'école impressionniste poétique ? Et pourquoi même Valéry, après avoir rapporté l'anecdote de la rencontre entre Mallarmé et Hugo, affirma-t-il de façon étrange « Victor Hugo confondait un peu les écoles. Il était un peu capable de tout. » Est-ce à dire qu'il existerait une théorie d'école impressionniste en matière de poésie ? Ou bien que cette référence à l'impressionnisme d'école dépasse les catégories artistiques pour évoquer de la peinture ou la musique. Dès lors, n'y a-t-il pas élaboration d'un système aporétique d'un point de vue plus philosophique, voulant fondre les arts au sein d'une terminologie née accidentellement, comme nous l'avons vu, sans l'élaboration d'une doctrine autre qu'un système de connivence sensorielle, inter-art, inter-artistique. Brunetière, le grand Brunetière du XIXe siècle, lui-même, très conservateur, quand il définit l'impressionnisme littéraire des Fabancourt, parle de transposition systématique des moyens d'expression d'un art dans le domaine d'un autre art. Dans un article éclairant, Bernard Vouilloux tente de mettre à plat le discours analytique de Brunetière au sujet de l'impressionnisme littéraire. Il y dénonce une terminologie relevant du psychologisant et de l'ontologisant, c'est-à-dire l'emploi d'une métacritique de surface induisant d'elle-même des métaphores et des homonymies abusives telles que la touche, la notation, la tâche, c'est-à-dire que finalement, évoquer l'impressionnisme reviendrait à... Donc, c'est-à-dire évoquer l'impressionnisme poétique et essayer d'analyser les métaphores poétiques suggérant l'impressionnisme, eh bien, ne pourrait se passer de l'utilisation de métaphores au-dessus de ces métaphores poétiques. Tout se passe comme si finalement ce discours sur l'impressionnisme littéraire se trouvait forcément empreint d'une rhétorique peinant à structurer une analyse fondée sur la rationalisation de faits proprement littéraires. Il devient impossible de définir, historiquement et esthétiquement, une école dont les œuvres seules sont appréhendées avec ce vocabulaire utilisé par les mêmes créateurs, notamment en poésie. On pourrait citer par exemple Laforgue ou d'autres poètes qui ont été critiques en même temps que poètes, critiques d'art. Laforgue écrit « L'impressionniste voit et rend la nature telle qu'elle est, c'est-à-dire uniquement en vibrations colorées. Ni dessin, ni lumière, ni modelé, ni perspective, ni clair-obscur, c'est classification enfantine. » Alors, l'expression classification enfantine est intéressante dans ce qu'elle pose la réflexion en dehors des armes de la rhétorique et de la critique. La recherche du mot juste, pour décrire sa technique dans son entier, refuse la clarté verbale et classique pour signifier par l'analogie, par l'image, normalement qui est le fait des poètes dans leur œuvre, donc le sens voulu est donné par le peintre dans son acte de création. D'aucuns pourraient critiquer l'absence, chez ces poètes, d'outils d'analyse pertinents en matière d'expertise picturale. Pourtant, il semble que la position du critique Laforgue, comme d'ailleurs chez d'autres, est celle d'un artiste parlant d'un autre artiste, au détour d'une posture neuve de la création. On retrouve chez Baudelaire la même technique impressionniste dans l'évocation d'un voisin, nous l'avons déjà mentionné. Et l'extrait de la fameuse lettre écrite à Wagner, quelques jours après la série des concerts donnés à Salvatadour, est tout à fait explicite. Il écrit, je cite rapidement, « Et la musique en même temps respirait quelquefois l'orgueil de la vie. Généralement, ces profondes harmonies me paraissaient ressembler à ces excitants qui accélèrent le pouls de l'imagination. Enfin, j'ai éprouvé aussi, et je vous supplie de ne pas rire, des sensations qui dérivent probablement de la tournure de mon esprit. » On retrouve ici l'obsession de la métaphore, du rouge, cette couleur que l'on trouve dans ses correspondances. Il est question d'imagination, de sensation, de cri suprême de l'âme. L'hyperbole caractérise cette analyse baudelairienne, qui force l'analogie picturale pour avouer l'impossibilité de tout dire. L'impossibilité de tout dire pourrait expliquer, si l'on veut, par-delà ces classifications enfantines, une perception neuve de l'artiste. L'impressionnisme est affaire de perception, non de théorie. Si impressionnisme poétique il y a, et il faudrait également prendre en considération l'importance de l'œuvre d'art total du dieu de Bayreuth, Wagner, c'est que peut-être il nous faut le penser en des termes de phénoménologie artistique et non de théorie. Certes, nous l'avons dit, l'impressionnisme en tant que tel est né d'un scandale, d'une anecdote. C'est exactement de tels termes que la critique à usage, par certaines tentations classificatoires ou classifiantes, comme je l'ai dit, de répondre à un besoin d'organiser cette matière littéraire. Thibaudet écrit « Le critique est un homme pour qui les genres littéraires existent. » Or, l'impressionnisme littéraire a été pensé en tant que modalité d'écriture, non comme système organisé, esthétique ou simplement littéraire. Doit-on conclure que ce sont les notions d'école qui ont ruiné le concept d'impressionnisme poétique ? Ou bien que l'impressionnisme poétique est à comprendre à la lumière, à la faveur des autres arts, de cette dépigmentation représentative du poème, sous-tendue par une esthétique du tableau et par une philosophie musicale cherchant à rendre le sens de l'œuvre d'art immanent. L'impressionnisme poétique a d'autant plus de mal à s'affirmer en tant que tel que nul poète ne s'est réclamé de cette école. Bien que beaucoup d'entre eux se fussent intéressés de près ou de loin à ce mouvement baignant les arts voisins. Debussy a réalisé Pélias et Mélisandre avec le symboliste et ancien parnassien Maeterlinck. Il a laissé en chantier un autre opéra avec le livret eût été signé du parnassien Catulle Mendès, Rodrigue Chimène. Enfin, au début du XXe siècle, un projet ne voit jamais le jour avec le post-symboliste Victor Segalen. Qu'importe en définitive l'école poétique des auteurs ayant été amenés à collaborer activement ou passivement avec Debussy. Libertaire, celui-ci a toujours refusé les étiquettes et a participé à l'ambiguïté de ce terme d'école. Alors, on pourrait également parler de la peinture et qu'on la rapproche souvent de l'un de ses chefs de file français, Gustave Moreau, par rapport au symbolisme. On rapproche souvent Gustave Moreau de Stéphane Mallarmé. Pourtant, l'ornementation poétique disparaît chez Mallarmé pour consacrer le nouvel attribut du poète, son nouvel instrument, le ptyx, ou l'aboli bibelot d'inanité sonore, image du poème et symbole de la toute-puissance du verbe purement poétique, sans accroche référentielle. Chez Moreau, au contraire, le mythe d'Arion, ce poète et musicien grec, selon Hérodote, est sauvé de la Naïade par des dauphins envoûtés par sa lyre, est à l'origine du chef-d'œuvre Arion en 1891. Dans d'autres pièces, il sollicite le luth, la guitare, le sistre, la harpe, lude enfin, cet instrument qui est la racine étymologique du luth. On l'a bien compris, l'instrument en tant qu'attribut, en tant que fonction symbolique, qui invite à sa présence au sein du tableau, efface le personnage central du tableau, qui est le poète ou le musicien. Alors le symbolisme pictural décoratif, hors cette suspension temporelle à laquelle il convie l'œil, hors du temps, dans le symbole, relatif vraiment du symbolisme poétique. Celui-ci ne s'apparente-t-il pas davantage en termes de construction d'un hypothétique système esthétique aux impressionnistes picturaux ? Si nous ne tranchons pas en ce qui concerne la peinture, en revanche, il nous semble possible d'affirmer à présent que l'impressionnisme poétique existe autant que le symbolisme. Encore une fois, il est phénoménologique et non théorique. Alors, en conclusion, à l'instar du modèle musical, où l'on crée et où l'on reçoit en même temps, et pour un temps limité dans l'espace et le temps, l'objet d'art moderne est un modèle temporel et réconciliateur. L'impressionnisme permet de penser ces deux démarches herméneutiques théorisées par Yauss, où l'activité artistique et l'activité esthétique se confondent. Poésie et critique se rejoignent ainsi naturellement, et la poésie ne peut prendre comme modèle le seul art pictural, puisque le temps fonde le rapport de l'art au monde. La musique s'impose de facto comme un modèle nouveau qui s'intègre de manière complémentaire. C'est en rapport à cela que tout vocabulaire de la critique d'art devient temporel après l'impressionnisme. C'est Antoine de Compagnon qui écrit cela dans son ouvrage, dans lequel il réfléchit sur la façon dont s'opère cette translation entre une avant-garde des sens politiques à une avant-garde qui relève plus de l'esthétique. Autrement dit, comment, et je le cite, du militaire à l'esthétique, le terme d'avant-garde au sens d'anticipation est passé d'une valeur spatiale à une valeur temporelle. Usons de cette formule pour métaphoriser notre propos. La révolution des arts n'est plus picturale, elle est musicale et se pose au regard de l'art pictural. Dans ce processus d'automisation des arts, la musique devient centrale, elle constitue le terreau d'une phénoménologie impressionniste dont Baudelaire, s'inspirant de Hoffmann et surtout des Poetic Principles de Poe, constitue l'un des épigones. Premièrement, elle est l'art autotélique par excellence. Deuxièmement, elle est l'art de la suggestion de l'effet affranchi du poids de la représentativité verbale. Enfin, elle est l'art temporel, celui de la succession et l'immédiateté. En d'autres termes, la musique en tant que concept investit et surplombe le zeitgeist poétique et artistique de cette seconde moitié du XIXe siècle, et l'impressionnisme artistique semble en constituer une des manifestations les plus rayonnantes et évidentes. Baudelaire, en initiant le mouvement, fait de la poésie l'art le plus impressionniste qui soit, en faisant l'épreuve du sens poétique à travers la question de la représentation. L'impressionnisme poétique figurerait ainsi l'abandon de l'illusionnisme à des fins autoréférentielles, quand le symbolisme, comme nous le voyons à présent chez Mallarmé, s'affiche davantage comme le détournement ou l'exhibition de cet illusionnisme aux mêmes finalités autoréférentielles.